السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc voici la traduction résumée de l'allocution de Cheikh Mustafa Mabram, حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière et le salut soient sur le plus noble des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ceci dit, je demande à Allah de m'accorder, ainsi qu'à vous, la réussite dans la science bénéfique et les œuvres pieuses, et je lui demande de nous mettre parmi ceux qui sont reconnaissants lors des bienfaits, patients lors des épreuves et qui se repentent lorsqu'ils commettent des péchés. Qu'Allah vous récompense pour les efforts que vous fournissez afin d'enseigner la langue arabe aux enfants des musulmans dans ce merkez. Ce merkez qui fait partie des marakiz dans lesquels les étudiants en sciences étudient les sciences du Coran et de la Sunna, et certes le moyen pour parvenir à leur compréhension n'est autre que la langue arabe. Le sujet choisi pour cette allocution est donc la fermeté sur la Sunna. Et ce sujet fut choisi à cause de la grande importance de rester ferme sur la Sunna, mais également à cause du grand nombre de troubles et de changements qui ont touché les gens et qui ne cessent d'arriver dans chaque endroit et à chaque époque. Et qu'Allah fasse miséricorde à l'imam al-Barbahari qui a commencé son livre en disant « Sache que l'islam est la sunna et que la sunna est l'islam ». Et cette parole fut également prononcée par d'autres prédécesseurs. Donc lorsque tu parles de la sunna, tu parles en vérité de l'islam en entier. Car la sunna dans la langue et dans la législation et la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les affaires de la religion apparente et cachée. Lorsque nous parlons de la sunna, nous ne visons donc pas la terminologie des spécialistes du hadith qui disent que ce sont les actes, les paroles, les attributs et ce qui a été accepté. Nous ne visons pas non plus par la sunna ce qui est surérogatoire, comme ceci est la terminologie des spécialistes de la jurisprudence. Nous ne visons pas non plus la terminologie des spécialistes dans les fondements de la jurisprudence qui disent que la sunna sont les ordres non obligatoires. Ce qui est voulu par la sunna est donc la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons dans les affaires de la religion. Et certes, chaque communauté a une voix et un imam dans celle-ci. Cette terminologie est celle qui est appuyée par les textes de la législation. Et c'est pour cette raison qu'un groupe parmi les prédécesseurs ont nommé de cette manière leur livre sur la croyance et la religion. Et ils les ont nommés As-Sunna, comme l'a fait l'imam Ahmed dans son livre As-Sunna, ainsi que son fils Abdullah ibn Ahmed dans son livre As-Sunna, et Al-Khallal, son élève également, dans son livre As-Sunna. Il y a également Ibn Abi Asim et Al-Lalaka'i et Al-Barbahari. La sunna est donc sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons dans les affaires de la religion. Lorsque nous parlons de la fermeté sur la sunna, nous parlons donc en réalité de la fermeté dans la religion sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que lorsqu'un homme a dit devant l'imam Ahmed « Ô Allah, fais-nous mourir sur l'islam », l'imam Ahmed rahimahullah a dit « Et sur la sunna ». Et Allah a mentionné que la guidance et la réussite tout entière se trouvait dans l'obéissance à son messager. Il a dit « Wa in tuti'uhu tahtadu » Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et notre Seigneur a également mentionné que l'obéissance au messager est en réalité une obéissance à Allah. Il a dit « Man yuti'ir rasoula faqad ata'a Allah » Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tiré l'attention de sa communauté sur de grandes affaires de la religion en leur disant qu'il n'avait aucun moyen d'être secouru et préservé des troubles à part en s'accrochant à la sunna et qu'aucune œuvre par lesquelles il cherche à se rapprocher d'Allah n'est acceptée à part si elle est en conformité avec sa sunna. Comme cela est rapporté dans le hadith des trois personnes ayant pensé que ces adorations n'étaient pas abondantes après s'être rendues dans les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avoir interrogé sur ces adorations, l'un d'entre eux a donc dit « Je n'épouserai pas de femme ». Le deuxième a dit « Je ne dormirai pas la nuit ». Et le troisième a dit « Je jeûnerai chaque jour ». Et dans une autre version, « Je ne mangerai pas de viande ». Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit leurs paroles, il a dit « Quant à moi, je jeûne et romps mon jeûne, je dors et prie et j'épouse des femmes. Et celui qui délaisse ma sunna n'est pas sur ma voie. Et celui qui délaisse ma sunna n'est pas sur ma voie. » Il s'est donc désavoué de ceux qui ne sont pas sur sa sunna et sur sa voie dans les affaires de la religion apparente et cachée. Et certes, il suffit à la personne, comme égarement, de ne pas être sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc orienté ses compagnons et cette orientation fut d'un grand bénéfice pour la législation, qu'Allah soit satisfait d'eux. De même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna la division des communautés et la division de sa communauté, il mentionna que la seule voie pour être sauvé de cette division et de ses troubles était de s'accrocher à sa sunna et au groupe qui était avec lui, comme cela est rapporté dans le hadith de Ibn Omar, Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, Abu Huraira et autres parmi les compagnons. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que cette communauté se divisera en 73 sectes. Tous seront en enfer, à part une. Ils dirent « Qui est-elle au messager d'Allah ?» Il répondit « Ce sont le groupe. » Et ce qui est voulu par le groupe, c'est le groupe qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que les divisions arrivent. Il est également rapporté dans une autre version qu'il a dit « Ce sont ceux qui sont sur quoi je suis actuellement, ainsi que mes compagnons. » Et cette version est authentique dans son sens, même si sa chaîne de transmission est faible pour certains gens de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit « Ce sont le groupe. » Et dans une autre version, il a dit « Ce sont ceux qui sont sur quoi je suis actuellement, ainsi que mes compagnons. » Donc celui qui reste ferme sur la voie droite, sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons dans les affaires de la religion apparente et cachée, c'est lui qui est réellement ferme sur la vérité et le droit chemin. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorta ses compagnons un jour, après la prière du Fajr, comme cela est rapporté dans les Sunan, dans le Musnad et autres, d'après Al-Ibad, Ibn Sariya qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous exhorta un jour. Nous lui dîmes alors, ceci ressemble à une exhortation d'adieu. Conseille-nous donc. Il répondit, je vous conseille la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance. Et ce même si celui qui vous commande est un esclave. Certes, ceux d'entre vous qui vivront longtemps seront témoins de beaucoup de divergences. Et ceci a été vu et vécu par certains des compagnons, à l'exemple de la fitna des Qadariyyah à l'époque d'Ibn Omar, d'Ibn Abbas et à la fin de l'époque des jeunes compagnons. Il y a également eu la fitna des Khawarij à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Il y a également eu la fitna des Shia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit: certes, ceux d'entre vous qui vivront longtemps seront témoins de beaucoup de divergences. Voici donc la maladie, mais quel est son remède? Voici donc la maladie, mais quel est donc son remède? Il est donc certes impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous laisse sans nous mentionner le remède efficace aidant à se sortir de tout trouble dans nos affaires de la religion et mondaine. Il a donc dit: accrochez-vous à ma sunna, c'est-à-dire à la voie sur laquelle je suis. Puis il a appuyé cela et l'a éclairci davantage en disant: ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés après moi. Il a ensuite appuyé cet ordre en disant: accrochez-vous-y avec les molaires et prenez garde aux nouvelles choses dans la religion, car toute innovation est égarement. Accroche-toi donc à la sunna, même si les gens te rejettent et que tu es étrange parmi eux. Accroche-toi à la sunna, même si tu es pauvre, même si tu es apeuré. Accroche-toi à la sunna, même si les gens refusent de s'y accrocher avec toi. Puis il a une nouvelle fois appuyé cet ordre en disant que même si tu t'y accroches fermement avec tes molaires, lorsque des innovations apparaissent et sont propagées embellies par les gens du faux, alors accroche-toi à la sunna et ne prête pas attention à eux. Et il est rapporté dans le mousnad de l'imam Ahmed, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: après chaque motivation, il y a une démotivation. Celui dont la démotivation reste dans les limites de la sunna a certes été bien guidé, et celui dont la démotivation mène à autre que cela ou à l'innovation se dirige certes vers sa perte. Et ce hadith fut authentifié par notre cher Muqbil, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il arrive donc d'avoir de la démotivation et de faiblir de par la nature humaine. Il arrive de faiblir à cause de l'argent, de la vie mondaine ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit que celui qui lors de la démotivation revient vers la sunna et y accorde une grande importance tout en se rendant des comptes à lui-même, alors celui-ci sera bien guidé. Quant à celui dont la démotivation mène à autre que cela, alors celui-ci s'est égaré et se dirige vers sa perte. Il est également rapporté dans le Mousnad, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet des meilleurs parmi les gens. Il a donc répondu: la génération dans laquelle je fus envoyé. Ils dirent: qui donc après cela? Il dit: ceux qui suivirent leurs traces. Ils dirent à nouveau: qui donc après eux? Il dit: ceux qui suivirent leurs traces. Et c'est pour cette raison que lorsque les compagnons voyaient des contradictions, ceci était extrêmement difficile pour eux. À titre d'exemple, lorsque Abdullah ibn Muraffal vit un homme de son peuple jeter des petits cailloux, il a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de faire cela. Après cela, il le vit une deuxième fois jeter des petits cailloux. Il lui a donc dit: je t'informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire cela et tu le fais quand même? Certes, jeter des cailloux ne peut pas tuer un ennemi ni chasser une proie, mais ça peut crever un œil ou casser une dent. Par Allah, je ne te parlerai plus jamais. Et lorsqu'il a apparu l'innovation des Khawarij, qui est la première à être apparue, Ali ibn Abi Talib et ceux qui étaient avec lui les combattirent après qu'ils aient commis le désordre sur terre. Puis lorsque l'innovation des Qadariyyah soit apparue à Al-Basra, Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdurrahman se sont rendus au pèlerinage en espérant rencontrer un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils rencontrèrent donc Ibn Omar et l'informèrent de la situation des Qadiriyya. Ibn Omar leur dit alors: informe-les que je me désavoue d'eux et que même si l'un d'entre eux dépensait l'équivalent de Uhud en or, cela ne serait pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il croie à la prédestination. Et certes, il y a de nombreux récits similaires, mais je me contenterai de mentionner pour finir le récit d'Ibn Mas'ud avec les personnes qui se rassemblaient en groupe dans la mosquée afin de faire du dhikr en se servant de pierres pour compter. Et ceci est certes une innovation. Donc lorsque Abu Moussa el-Ash'ari, qui était parmi les meilleurs des compagnons, les a vus faire ceci, il se rendit chez Ibn Mas'ud, qui était plus ancien que lui dans l'islam et plus savant, et il l'informa de ce qu'il vit à la mosquée. Ibn Mas'ud s'est donc rendu à la mosquée pour les réprimander à cause de leur délaissement de la sunna. Ils lui dirent alors: ô Abu Abdurrahman, nous n'avons voulu que le bien. Il leur répondit: combien de personnes souhaitent faire le bien mais n'y parviennent pas? En effet, quel bien y a-t-il dans le fait de faire des choses? En effet, quel bien y a-t-il dans le fait de faire une chose que n'a pas fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Car en agissant ainsi, soit vous êtes sur une religion meilleure que celle de Mohammed, ou soit vous êtes en train d'ouvrir une porte d'égarement. Puis celui qui rapporte ce récit a dit que par la suite, la majorité d'entre eux ont fini par combattre les compagnons aux côtés des Khawarij. Ils ont donc commencé par cette innovation pour se retrouver par la suite à combattre les compagnons. Les compagnons avaient donc très peur à chaque fois qu'une chose de la religion était délaissée. Il est d'ailleurs rapporté par Muslim, d'après Ibn Mas'ud, qu'il a dit: si vous délaissez la sunna de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors vous vous égarerez. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes, par la cause de la fermeté sur la religion, annoncé la bonne nouvelle au groupe secouru en disant: il y aura toujours un groupe de ma communauté, apparent sur la vérité, et ceux qui les abandonnent ne leur nuiront en rien jusqu'à la fin des temps. Ils sont donc apparents sur la vérité, ils ne se cachent pas et n'ont pas peur. Au contraire, ils exposent leur prêche aux gens avec preuve, science et sagesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a commencé étranger et il reviendra étranger, tout comme il a commencé. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers, rapporté par Muslim, d'après Ibn Omar et Abu Huraira. Bonne nouvelle donc aux étrangers, aux gens du tawhid étrangers entre les polythéistes, aux gens de science étrangers entre les ignorants, aux gens de la sunna entre les innovateurs, et à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres entre les désobéissants. Ceci est donc un très grand degré qu'Allah nous accorde ainsi qu'à vous la fermeté. Et il est rapporté que l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la sunna est semblable à l'arche de Noé. Celui qui monte dessus sera sauvé et celui qui n'y monte pas périra. Ne délaisse donc pas ce bateau afin de ne pas te noyer avec ceux qui se noient. Il est rapporté également, d'après Az-Zuhri, il est rapporté également, d'après Az-Zuhri, qu'il a dit: la sunna est un secours et un salut. Qu'Allah nous préserve de tout trouble et qu'il nous accorde la sincérité dans les paroles et les actes, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons.